إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On est arrivé au cours 31 aujourd'hui, donc on explique les points qui ont rapport avec les piliers de la foi. Et le cheikh, il a mentionné donc les six piliers de la foi, et on a complété ces six piliers de la foi au dernier cours. Maintenant, on est arrivé au troisième degré, hein, une des troisièmes formes d'adoration dans l'islam, parce que là on est en train d'énumérer les différentes formes d'adoration, et on est arrivé au degré qu'on appelle al-ihsan. Al-ihsan. Donc le cheikh il dit al-martabatul akhira min maratib ad-din wa biha yantahi darsuna martabatul ihsan الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والمعنى أن تعبد ربك وأنت مستحضر عظمته وقربه منك ومراقبته لك في كل حال من الأحوال، وذلك يوجب الخشية والتعظيم لربك، وحينئذ لا تقصر في طاعته ولا ترتكب معصية إجلالا لله وخوفا منه جل وعلا جل في علاه. والدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Donc le cheikh explique que le troisième degré des trois degrés de la religion, c'est le degré de al-ihsan. Al-ihsan. Et on traduit al-ihsan par soit le fait de faire du bien, de la bienfaisance, ou bien on le traduit également par l'excellence dans la foi. L'excellence dans la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué par son explication claire lorsqu'il a dit que l'ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et que si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le vois, eh bien, tu l'adores en sachant que lui, il te regarde, hein, que lui, il te voit. Et la signification de ça, c'est que tu adores ton Seigneur en soyant conscient de sa présence, hein, et en faisant en sorte que, c'est-à-dire que tu te souviens de sa grandeur lorsque tu l'adores, et tu te rappelles sa grandeur et sa proximité, du fait qu'il est proche de toi, qu'il te surveille, hein, qu'il te surveille dans chaque moment, dans chaque état, dans chaque situation, dans chaque endroit, dans chaque moment. Et que lorsqu'il te surveille, eh bien, lorsque tu es conscient de ça, eh bien, ça t'amène à avoir de la crainte de lui et avoir du respect pour ton Seigneur. Et lorsque tu as cette crainte et ce respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu ne vas pas négliger, tu ne vas pas avoir de manquement dans son obéissance, et tu ne vas pas commettre les péchés qu'il t'a interdit de faire par respect, hein, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et sa majesté, hein, du fait qu'il est majestueux et qu'il est grand. Donc tu le crains, hein, à cause de ça. Et la preuve de al-ihsan et que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il nous ordonne, c'est présent dans plusieurs versets dans le Coran. Et le cheikh il cite le verset 195 dans surat al-Baqarah où il dit wa ahsinu. Wa ahsinu, c'est le verbe impératif de al-ihsan, la forme impérative, dans le sens de faites preuve de bonté. Hein, ayez de l'ihsan. Parce que Allah aime les muhsinin. Allah aime ceux qui sont des muhsinin. Et muhsin, c'est celui qui a de al-ihsan. Celui qui pratique al-ihsan, on l'appelle al-muhsin. Hein, et c'est comme al-muslim, hein, c'est celui qui a de, qui pratique l'islam. Et al-mu'min, c'est celui qui a al-iman. Donc, al-muhsin, c'est celui qui a al-ihsan. Et également dans l'autre verset, dans Sourate An-Nahl, le verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah est avec ceux qui ont de la piété. Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun, ainsi que ceux qui pratiquent al-ihsan et qui font preuve de bienfaisance et de bonté. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans un hadith rapporté par l'imam Muslim où il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit al-ihsan dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit al-ihsan dans toute chose que tu fais, tu dois avoir de la bonté et te souvenir, le faire en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Et ça veut dire que lorsque tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, lorsque tu fais quelque chose, eh bien évidemment, tu vas le faire le mieux possible. Tu ne vas pas le faire juste pour dire que tu le fais pour te débarrasser de cette obligation-là, mais au contraire, tu vas le faire avec toute la présence de ton cœur, toute la conscience, et toute la concentration que tu peux avoir au moment où tu fais cette adoration-là. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est al-ihsan. Parce que c'est comme la même chose lorsque un être humain travaille dans un endroit et qu'il sait qu'il est en train de se faire surveiller par son patron. Et il ne va pas travailler n'importe comment parce qu'il sait que son patron le regarde. Et si son patron est absent, hein, peut-être qu'il ne va pas travailler aussi fort ou bien avec autant de sérieux. Ou bien s'il sait que son patron il n'est pas là mais qu'il y a une caméra qui le surveille. La caméra, elle est là, dans la pièce, et elle enregistre tout ce qu'il fait. Donc, à ce moment-là, il ne va pas faire n'importe quoi. Il va faire attention à ce qu'il fait dans son travail. Eh bien, c'est la même chose. Al-Ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec cette conscience-là. Cette conscience qu'il y a quelqu'un qui te surveille, il y a quelqu'un qui te regarde. Et donc, tu vas faire ton adoration, pas juste pour dire que tu l'as fait comme ça, par rapport aux gens, non, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu l'as fait le mieux possible, pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement, dans ton cœur, dans ton intention, dans ta sincérité, dans ton humilité, dans ta concentration, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il parle d'une autre adoration qui est ad-du'a. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne parmi les exemples d'adoration, il dit « wa minhu ad-du'a ». Hein, c'est-à-dire parmi les formes d'adoration il y a également l'invocation, le fait d'invoquer Allah et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça fait partie aussi de l'adoration. Donc le cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah, il dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa amma ba'd faqad sabaqa ma'ana fi ad-dars al-madi al-hadith عن التعريف بالإسلام وأركانه الخمس والتعريف بالإيمان وأركانه الستة والتعريف بالإحسان وركنه ومع إيضاح ذلك ببعض الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تبين أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان والمؤلف رحمه الله ذكر هنا من أنواع العبادة أمثلة من العبادة صدرها بالإسلام الذي يشمل أنواع العبادة كلها كما قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وأردف ذلك بالإيمان والإحسان وذلك وهذه الثلاثة مراتب وهذه الثلاثة مراتب الدين كله كما أسلفت بحيث لا يخرج عنها نوع من أنواع العبادات ولا مسألة من مسائل الدين بل كل عبادة وكل مسألة من مسائل دين الإسلام فهي داخلة تحت الإسلام والإيمان والإحسان. Donc, le cheikh il dit donc, on a expliqué dans les cours précédents l'islam, et ses cinq piliers, la foi et ses six piliers, et l'ihsan est son pilier unique, et on a clarifié avec quelques preuves qui sont mentionnées à ce sujet dans le Coran et dans la Sunna, qui mentionnent les, qui clarifient les piliers de l'islam, les piliers de la foi et les piliers de, le pilier de l'ihsan. Et maintenant l'auteur, il va mentionner différentes sortes d'adoration, hein, il a commencé en mentionnant l'islam, et quand on dit l'islam, eh bien ça comprend toutes les adorations qui existent dans la religion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ad-dina 'inda Allah al-islam, c'est-à-dire la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam, c'est la religion qu'il a choisie pour les hommes. Et ça c'est le verset 19 dans sourate Al-Imran, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Il a fait suivre ça de la question de la foi, et après il a parlé de al-ihsan, et ces trois degrés sont yani qu'est-ce qui comprend la religion tout au complet. C'est-à-dire que il n'y a pas une forme parmi les formes d'adoration qui sortent de ces trois degrés-là, et qui sortent de al-islam, ou al-iman, ou al-ihsan. Quand on dit ces trois choses-là, eh bien, ça englobe toutes les différentes formes d'adoration au complet, sans exception. Il n'y a pas une question parmi les questions de la religion, hein, qui n'entre pas dans ces trois degrés-là de la religion. Et le cheikh, il dit que toutes les adorations et toutes les questions de la religion entrent sous ces trois points-là, al-islam, al-iman, al-ihsan. Ensuite, le cheikh, il dit, وَاسْتَرْسَلَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي دَرْبِ أَمْثِلَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَهَذِهِ الْأَمْثِلَةِ كَالتَّفْصِيلِ بَعْدَ الْإِجْمَالِ فَذَكَرَ مِنَ نُوَعِ الْعِبَادَاتِ. Donc, le cheikh, il dit, maintenant l'auteur, il va mentionner quelques exemples d'adoration plus spécifiques, plus détaillées. Parce que là, on a mentionné des formes d'adoration générales. L'islam, l'iman, l'ihsan, ça c'est général. Maintenant, on mentionne des détails de ces formes d'adoration-là. La première qu'il mentionne, c'est ad-du'a. Donc le cheikh, il dit ad-du'a. Wa ad-du'a yanqasimu ila qismain. Du'a u ibada, wa du'a u mas'ala, wa kilahuma fil waqi'i ibada. Donc le cheikh, il dit que l'invocation, elle se divise en deux catégories. L'invocation d'adoration et l'invocation de demande, de la demande, lorsque tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux formes d'adoration, il y a deux formes d'invocation, pardon, et la première c'est l'invocation d'adoration et l'invocation de demande, mais les deux sont des adorations. Hein, même si on dit qu'il y a une invocation de demande, même l'invocation de la demande, c'est une adoration aussi. C'est pas seulement l'invocation d'adoration qui est une adoration. On va mentionner les deux et mentionner qu'est-ce que chaque catégorie signifie et quels sont les détails de chacune de ces catégories-là. Donc, le cheikh, il commence par expliquer du'a ou l'ibada. Donc, il dit الأول دعاء العبادة فهو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وفق شرعه المطهر وأوامره القيمة. وفي مقدمة هذا النوع من العبادة توحيد الله تبارك وتعالى حيث دل عليه قول الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون علما أنه لا يتم توحيد عبد إلا بالبراءة من الشرك الذي هو ضد التوحيد لأننا إذا أتينا نعرف التوحيد بمعناه الشرعي نقول إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك والبراءة منه ومن أهله قليله وكثيره صغيره وكبيره فلا يتم التوحيد إلا ببراءة تامة من الشرك وأهله وجميع دروبه وصوره ولهذا قال العلماء لا ولاء إلا ببراء. Donc le cheikh, il dit que le dua de l'adoration, c'est de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala par toute forme d'adoration, que ce soit une adoration financière, c'est-à-dire comme donner la zakat ou la sadaqa ou des choses comme ça, ou toute adoration physique avec le corps, hein. Donc tout ça c'est il y a des exemples, ou bien les deux ensemble, physique et matériel. et c'est de le faire selon les règles de la charia, selon les règles de la révélation purifiée qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, et selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé. Et à la tête de toutes ces formes d'adoration-là, dans l'invocation de l'adoration, eh bien, c'est bien entendu d'établir le tawhid, c'est-à-dire d'établir l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de ça, c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat al-Zariyat, le verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient dans leur adoration, c'est-à-dire qu'ils établissent le tawhid, « liyuwahhidun ». Donc quand tu lis dans un verset dans le Coran, l'ordre d'adorer Allah ou l'adoration, eh bien, ça signifie en fait d'adorer Allah et de l'unifier, hein, de l'unifier, c'est-à-dire de l'adorer lui seul et de l'adorer et de croire en lui et de l'adorer lui seul. Donc, le cheikh il explique que, étant donné qu'on sait que on ne peut pas établir le tawhid excepté si on s'est désavoué du shirk, donc il faut comprendre que le tawhid est toujours associé au fait de se désavouer et de renier le shirk. Parce que le shirk, c'est le contraire du tawhid. Le shirk, c'est le contraire du tawhid. Donc, le cheikh explique, il dit, lorsqu'on donne la définition du tawhid dans sa signification légale, dans la charia, on dit que le tawhid, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration. C'est-à-dire que tu n'adores que lui et que tu rejettes ce qui est adoré en dehors de lui. Tu te débarrasses du shirk. Tu te débarrasses du shirk et tu t'en désavoues complètement. Et tu te désavoues du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Hein, tu te désavoues du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Que ce soit un shirk qui est peu ou qui est grand ou qui est beaucoup, c'est-à-dire que ce soit peu de shirk ou beaucoup de shirk, que ce soit un petit shirk ou un grand shirk, tu dois te désavouer de tout. Tout ce qui a rapport avec le shirk, que ce soit petit ou grand, beaucoup ou peu. Et tu ne peux pas établir le tawhid excepté sans te désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Dans toutes ces catégories et dans toutes ces manifestations et ces formes. Et c'est pour ça que les savants disent il n'y a pas de tawhid sans il n'y a pas de wala sans bara. Il n'y a pas de wala sans bara. Et qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de wala sans bara? Ça veut dire que tu peux pas dire par exemple que tu aimes le tawhid si tu ne t'es pas désavoué du shirk. C'est la même chose que si tu disais, tu ne peux pas dire que tu aimes Allah si tu ne t'es pas désavoué du shaitan et de ce que le shaitan fait, hein, et de ceux qui le suivent, et ainsi de suite. Donc, al-wala, c'est le fait d'aimer, d'être proche de quelque chose et de défendre quelque chose. Et al-bara, c'est le fait de se désavouer de quelque chose, de détester quelque chose, de s'éloigner et de se détacher complètement de cette chose-là. Donc, tu ne peux pas établir al-wala si tu n'as pas établi al-bara. Hein? Et une fois, j'avais fait une khutbah à la mosquée à l'époque, j'avais intitulé cette khutbah « Il n'y a pas d'amour sans haine ». Il n'y a pas d'amour sans haine. Il n'y a pas de haine sans amour non plus. Parce que si tu aimes Allah, tu dois détester le shaitan. Et si tu ne détestes pas le shaitan, ça veut dire que tu n'as pas aimé Allah correctement. Hein? Et si tu aimes les mu'minines, tu dois détester les kafirines. Si tu aimes les kafirines, en même temps que les mu'minines, il y a un problème. Hein? Ton amour, il n'est pas pur, il n'est pas sincère. Il y a quelque chose qui manque. Donc, le cheikh en note de bas de page, il dit ici « وهذه من عبارات أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أي لا ولاء للمسلمين إلا بالبراء من الكافرين فهي كلمة حق يريد بها حق وهي من عبارات الشيعة في الاعتقاد أي لا ولاء لأهل البيت إلا ببراء من الشيخين أبي بكر وعمر فهي عند الرافضة كلمة حق يريد بها أو يراد بها باطل. Donc, le cheikh explique ici que c'est une des expressions, quand on dit « la wala illa bibara », c'est une des expressions parmi les expressions des gens de la sunna. Lorsqu'il parle de la aqida, il mentionne cette expression-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer les mu'minines sans te désavouer des kafirines et sans détester les kafirines. Donc c'est une parole vraie, une parole de vérité par laquelle on veut un sens véridique, hein, un sens qui est une vérité. Tandis que on entend aussi cette expression parfois chez les chiites. Lorsqu'ils parlent de leur croyance, les chiites, ils mentionnent cette expression-là aussi, sauf que eux, ils l'interprètent d'une autre façon. Et ils disent, il n'y a pas d'amour pour Ahlul Bayt, ça veut dire la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, sans te désavouer des deux chers, c'est-à-dire de Abu Bakr et de Omar. Donc eux, ils veulent dire par là, si t'aimes Ahlul Bayt, tu dois détester Abu Bakr et Omar. Si tu détestes pas Abu Bakr et Omar, t'aimes pas Ahlul Bayt. Et le cheikh, il dit, ça c'est chez les Rafida, et c'est une parole de vérité dans la base, c'est-à-dire de dire la wala illa bibara, ça, à la base c'est une parole vraie, sauf que dans leur sens à eux, c'est faux. Ils veulent quelque chose de faux par là. Parce que on peut pas se désavouer ni de Ahlul Bayt, et ni des cheikhs, ni d'Abu Bakr et Omar. Il faut les aimer tous. Hein? Il faut avoir du respect pour tous. Donc si tu dis, il faut détester Abu Bakr et Omar pour aimer Ahlul Bayt, ça c'est un mensonge et c'est faux, hein? Tu dois les aimer ensemble puisqu'ils étaient tous eux-mêmes ensemble, hein? Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les aimer tous sans exception. Donc ça c'est le premier exemple que le cheikh a mentionné au sujet de l'adoration, al-du'a, mais et ça c'est du'a al-ibada. Maintenant du'a al-mas'ala, le cheikh il dit en ce qui concerne l'invocation de la demande, il dit wa du'a al-mas'ala huwa at-talab min Allah tabaraka wa ta'ala li jalb al-masalih ad-diniyah wa daf' al-madar wa dhalika fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. والطلب بهذه الصورة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وقد قسم العلماء دعاء المسألة إلى أقسام، منها ما لا يجوز طلبه إلا من الله تبارك وتعالى وحده، فمن صرف منه شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر، وذلك كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من جلب مصلحة أو دفع مضار أو دفع ضر. وأما الطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه فلا محذور فيه. Donc le cheikh explique que le dua de l'invocation, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse venir ou qu'il te donne un bienfait dans la religion ou un bienfait dans la dunya, dans les choses de la dunya. Donc tu as le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il y a de bien dans la religion et tout ce qu'il y a de bien dans la dunya, et tu as le droit également, tu dois lui demander également de repousser tout ce qui est mauvais dans la religion pour toi et tout ce qui est mauvais dans la dunya aussi. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en protéger et de le repousser et de l'éloigner de toi. Et si tu demandes yani à autre que Allah quelque chose dans la dunya ou dans la religion, quelque chose que seul Allah est capable de donner, tu demandes à quelqu'un d'autre que Allah, hein, et bien dans ce cas là c'est une adoration que tu as offerte à cette chose en dehors d'Allah, et tu as commis le shirk en faisant ça. Et le cheikh explique que la demande, le fait de demander ou de chercher quelque chose, de demander à quelqu'un quelque chose, c'est divisé en deux catégories. La première, c'est de demander à quelqu'un quelque chose, yani, que tu ne peux demander que à Allah seul. Et si tu le demandes à autre que à Allah, c'est du shirk majeur, ça va être une forme de shirk majeur. Comme par exemple, tu demandes à un mort de te donner quelque chose. Hein, tu dis à un mort, ou comme ce qui se passe chez les chrétiens, ou chez les juifs, ou chez les gens qui adorent les tombes parmi certains égarés. parmi les gens qui se disent musulmans, qui adorent les morts, qui adorent les tombes, par exemple, eh bien, tu vas voir que parmi eux, il y en a qui vont à la tombe d'un saint ou quelqu'un qu'ils considèrent comme quelqu'un de pieux, et puis ils vont à cette tombe et ils vont lui demander, par exemple, la guérison pour un malade, ou bien ils vont lui demander de lui donner de la baraka, de la bénédiction. Hein, ils pensent même parfois qu'ils peuvent l'obtenir de cette personne, comme si c'était la personne elle-même qui avait la baraka, dans le sens que elle pouvait la donner à qui elle veut. Donc ils lui demandent la baraka, la bénédiction, ou bien ils demandent un enfant ou des choses de ce genre. Tout ça c'est du shirk, parce que premièrement tu ne peux pas demander quoi que ce soit à un mort. Le mort, il ne peut pas t'aider, il ne peut même pas s'aider lui-même, hein? Et même si c'est un prophète, on n'a pas le droit d'invoquer un mort, un saint, un homme pieux, un prophète, un ange, un djinn, hein? Tout ce qui est en dehors d'Allah, si tu lui demandes, c'est du shirk que tu as commis. Et justement, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me demander des renseignements à propos de Imran Hussein. Et Imran Hussein, c'est un homme qui est connu surtout par rapport à l'internet, parce qu'il donne des conférences et il parle au nom de l'islam et de l'islam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il interprète tout ce qui a rapport avec les signes du jugement dernier, selon les complots et les théories des théories du complot et des conspirations internationales, comme il parle de toutes ces choses-là. Il interprète les hadiths de la fin des temps selon ces complots-là, hein, il parle de toutes ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui a séduit beaucoup de gens par rapport à ses discours et par rapport à ses discours politiques, parce qu'il se concentre beaucoup sur ça. Mais le problème aussi, c'est qu'il cache derrière ça, parce que c'est ça que beaucoup de gens de Bid'a, ils font. Ils vont parler, par exemple, de sujets politiques, de sujets économiques, de sujets qui ont rapport avec la société, pour attirer les gens, mais ils leur cachent leur vraie position sur la croyance, sur le tawhid et sur les questions d'adoration. Donc, lorsque tu regardes, en fait, sa aqidah et qu'est-ce qu'il prêche, comme par exemple, qu'est-ce qui est sur son site, et qu'est-ce qu'il dit au sujet du tawhid et au sujet de l'adoration, et bien là, c'est là que tu découvres que c'est un individu qui est sur l'égarement et sur la bid'a, et qu'il défend même le shirk, et que tu trouves même dans son site des paroles de shirk, où il dit, par exemple, parce qu'il critique ceux qu'il considère, lui, comme ceux qu'il appelle des wahhabiyyah, hein, il appelle des wahhabiyyah, et il considère que ce sont des gens qui sont pas sur la bonne voie, parce qu'ils interdisent le Mawlid Nabawi et parce qu'ils affirment les attributs d'Allah, hein, et des choses de ce genre, et parce qu'ils interdisent le shirk. Donc lui, dans son site, il dit c'est pas shirk de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire au prophète, par exemple, au prophète, pardonne-nous, prie pour nous, au prophète, prie pour nous, pour qu'on puisse avoir ton intercession, ou des choses comme ça. Ça c'est du shirk majeur, parce que tu demandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans sa tombe, donc tu n'as pas le droit de l'invoquer. Ça c'est l'action des chrétiens. C'est les chrétiens qui prient à Marie, qui prient à Jésus, qui prient à Joseph ou à plein d'autres saints. Ils disent dans leur prière, Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs, ou d'autres choses comme ça. Ils demandent à Marie de prier pour les gens, alors que Marie, elle est morte, elle est enterrée, elle est dans sa tombe. Elle ne peut même pas prier pour elle-même, donc comment elle pourrait prier pour les autres, hein? Et on sait que, comme certains d'entre ces soufis, par exemple, parce que lui c'est un soufi, eh bien, beaucoup d'entre eux, ils se basent sur des shubuhat. Hein? Ils prennent des choses qui se ressemblent et ils essaient de les relier ensemble pour tromper les gens et leur faire croire que qu'est-ce qu'ils disent, c'est supporté par une preuve, alors que tu regardes réellement la parole qu'ils mentionnent comme référence et tu vois que ça a un rapport, ça a aucun rapport, que ça parle d'un autre contexte, d'une autre chose qui n'a pas de lien avec qu'est-ce que eux sont en train d'essayer de faire. Donc, par exemple, ils vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on lui envoie le salam, hein, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, comme dans le hadith c'est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous m'envoyez le salam, eh bien ce salam là m'est transmis, et il, Allah subhanahu wa ta'ala lui remet son âme pour qu'il réponde au salam des gens. Donc ça c'est mentionné dans les hadiths, ou bien que c'est mentionné que les prophètes sont vivants dans leur tombe, hein? Donc ça aussi c'est des exemples, qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths, qu'il est vivant dans sa tombe, ou que les martyrs aussi sont vivants dans leur tombe, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans le Coran, bal ahya, hein, il dit dans le Coran qu'ils sont vivants. Donc est-ce que ça veut dire que lorsqu'on dit qu'ils sont vivants, ou lorsqu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond au salam, ou que par exemple les actions de la umma lui sont présentées dans sa tombe, ou des choses comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il est vivant dans sa tombe de la même manière que lorsqu'il était dans la dunya et lorsqu'il était vivant avec ses sahaba? Non, puisque la vie dans laquelle il est maintenant, c'est une vie qu'on appelle une vie yani barzakhia, hein, al-hayatul barzakhia. Et la vie du barzakh, elle est régie par des règles qui sont particulières à cette situation-là. Et il ne peut pas faire qu'est-ce qu'il faisait dans la dunya, hein, la même façon. Et une des preuves que ce que ces gens-là font, c'est contraire à la réalité de l'islam, et contraire au Coran et à la Sunna, c'est que si c'était vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui dans sa tombe, et que ça c'est équivalent à qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était dans la vie d'ici-bas, lorsqu'il était vivant avant sa mort, et qu'il n'y avait pas de différence entre sa vie et sa mort, pourquoi les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, chaque fois qu'ils avaient un problème, pourquoi ils n'allaient pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, hein? Et on n'a jamais rapporté d'aucun d'entre eux ce genre de choses-là. Au contraire, hein, ils demandaient à ceux qui étaient vivants, par exemple, de faire des doigts pour les musulmans et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est pour dire que ces gens-là se basent sur ce genre de choubouhat. Hein, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, soit vivant dans sa tombe, c'est une vie qui est particulière à cet état-là et à cet endroit et à cette dimension-là. Tu ne peux pas comparer à quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant dans cette vie. Et tu n'as pas le droit de prier ou d'invoquer un prophète, un ange, un djinn, un mort, peu importe, yani, toutes ces choses-là, si tu le fais, c'est du shirk majeur. Et l'invocation, elle appartient que à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets, yani, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dans surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ أَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ. قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. له ملك السماوات والأرض. إذا سورة الآية الكرسي ولا يشفع عنده إلا بإذنه. إن مانسون بكو دوت فيرسي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc il y a une chose aussi, c'est que donc l'intercession, tu ne peux pas la demander à autre que à Allah, parce qu'elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui cherchaient des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et yani, il les a mentionnés comme étant des mushrikines, parce que c'était pour ça que les gens à l'époque ils faisaient ça, ils adoraient des hommes pieux et des saints, et ils disaient ce sont des intercesseurs. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans des versets, il dit, et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne sera d'aucune utilité excepté pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission et de qui il a agréé l'état. Donc si la personne veut intercéder auprès d'Allah, mais qu'elle n'a pas la permission, elle ne pourra pas intercéder. Donc l'intercession, c'est par la permission d'Allah. Et la personne qui intercède, hein, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, il va intercéder pour les gens, mais on sait que la personne qui va intercéder, elle ne pourra pas intercéder pour n'importe qui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le verset, illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda. Hein? C'est-à-dire que pour accepter pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala va vouloir, il va lui donner la permission après qu'il ait voulu pour cette personne et de qui il a agréé l'intercession. Et yani, on sait que l'adoration, l'intercession pour le mushrik ne sera pas agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un a commis le shirk ou fait le shirk, il ne fait pas partie des gens qui méritent l'intercession. Et donc, si tu demandes à un mort l'intercession, tu deviens un mushrik. Et donc, tu ne peux pas recevoir l'intercession dans, du prophète, yani, au jour de la résurrection, si tu rentres dans le shirk. Donc, les moyens pour pouvoir faire partie des gens qui vont mériter l'intercession, c'est de faire partie des musulmans et de faire partie des gens du tawhid, et d'établir le tawhid et de ne pas faire le shirk. D'accord ? Donc, ça, c'est des exemples, des choses très importantes. Donc, parfois, les gens de bid'a, parmi les égarés, parfois, ils vont essayer de dire, mais si vous dites que demander à autre que Allah, c'est du shirk, donc ça veut dire que si tu demandes à quelqu'un dans la rue de t'aider, ou quelqu'un chez toi, tu lui dis, viens m'aider, ou yani, tu appelles ton père ou ton frère, tu dis, est-ce que tu peux venir m'aider, ou tu peux ramasser ça pour moi, ou tu peux me rendre un service. Ils disent, dans ce cas-là, ça aussi c'est du shirk. Hein? Et nous, on leur dit non. Puisque ceux-là, c'est des gens qui sont, premièrement, ils sont vivants, et ils sont présents, ils sont capables de t'aider, hein? Et toi, tu leur demandes quelque chose qu'ils sont capables de faire. Hein? Que c'est pas seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire, mais que c'est n'importe qui est capable de le faire, qui est présent. Donc ça n'a pas rapport avec le shirk. Il n'y a rien de mal. Hein? Il n'y a rien dans le fait de faire ça qui rentre dans le shirk. Toutefois, si tu demandes à quelqu'un qui est vivant ou qui est mort ce que seul Allah peut faire ou donner, dans ce cas-là, là tu rentres dans le shirk. Comme par exemple, tu demandes à quelqu'un qui est vivant ou mort de te pardonner tes péchés. Hein? Ça, c'est pas possible. Donc, il y en a des soufis, par exemple, peut-être qu'ils ont un cheikh qui est dans un autre pays, à l'autre bout du monde, et quand ils sont dans une situation de détresse ou un danger, au lieu d'appeler Allah, ils disent « Il y a un cheikh hein? », il appelle son cheikh. Ça, c'est du shirk. Parce que tu demandes à quelqu'un qui n'est pas présent, qui est absent, ou même peut-être qui est mort, et tu lui demandes quelque chose, il ne peut pas venir t'aider puisqu'il est enterré dans sa tombe. Donc parmi les idées des soufis, ils croient parfois que le cheikh, il va sortir de sa tombe et il va venir à ton secours, puis il va retourner dans sa tombe ensuite. Ça fait partie des superstitions des soufis et des choses qu'ils racontent dans leurs livres et dans leurs histoires qui sont complètement fausses, et c'est des histoires en fait que le shaitan leur a embellies pour les faire tomber dans le shirk et pour égarer les êtres humains. Donc nous, on fait la distinction entre le fait de demander à quelqu'un qui est présent et qui est capable de nous aider et qu'on lui demande quelque chose qu'il est capable de faire, hein, qui est quelque chose de normal. Donc oui, ça c'est permis, ça ne rentre pas dans le shirk. Mais tu demandes à quelqu'un qui est absent, ou quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est présent, ou qui est vivant, mais que tu lui demandes quelque chose qui est seulement Allah qui peut faire, ça rentre dans le shirk. Hein? Et ça, c'est du shirk majeur qui fait que quelqu'un quitte l'islam et devient un mécréant, devient un mushrik. Hein, il sort de la religion musulmane. Donc ça, c'est très important de comprendre, parce que c'est parmi les bases de l'islam et du tawhid. Ensuite, le cheikh, il mentionne une autre forme d'adoration qui est al-khawf, c'est-à-dire la peur ou la crainte. Et le cheikh, il dit وَمِنْ أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَفْضَلِ مَقَامَاتِ الدِّينِ وَأَجَلِّهَا وَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِإِخْلَاصِ ذَلِكَ لَهُ فقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وينبغي أن يكون مقرونا بالرجاء والمحبة Donc le cheikh il dit que la première forme, une autre exemple d'adoration, parmi les formes d'adoration, c'est al-khawf. Al-khawf, ça veut dire la peur, la crainte. Donc quelqu'un doit avoir peur d'Allah, doit avoir la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que ça fait partie des degrés ou des stations les plus élevées parmi les degrés de la religion et les plus nobles, hein, les niveaux les plus majestueux de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux êtres humains et aux musulmans de faire preuve de pureté et de sincérité dans leur crainte pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul. Hein, tu ne dois pas craindre personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne à ce sujet le verset 175 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Donc il faut que tu craignes uniquement Allah. Et il faut que cette crainte et cette peur d'Allah soit accompagnée de l'espoir et de l'amour d'Allah. Hein, pour éviter que tu tombes dans l'extrémisme et l'exagération. Pourquoi? Parce que les ulama ils ont expliqué que l'adoration, il faut qu'elle soit basée sur la crainte d'Allah et l'amour d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Parce que si tu adores Allah uniquement par la crainte, tu vas tomber dans l'extrémisme. Et tu vas tomber dans l'égarement, comme les Khawarij. Donc, pourquoi? Parce qu'ils adorent Allah avec la crainte seulement. Et quand ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec la crainte seulement, du moment qu'ils tombent dans un péché, ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et donc, ils s'imaginent que Allah ne va jamais les pardonner. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, dans ce cas-là, étant donné que je suis perdu et que j'ai plus d'espoir en sa miséricorde, alors je vais continuer encore plus dans le péché, puisque de toute façon, je suis fini. Hein? J'ai plus d'espoir, j'ai plus de pardon, hein? Je vais aller en enfer de toute façon, donc je vais continuer encore plus dans le péché. Donc c'est ça le résultat de la personne qui exagère dans la crainte et qui adore Allah que par la crainte, il tombe dans l'extrémisme et dans l'égarement. Comme l'exemple des Khawarij. Hein? Et à un autre extrême, ceux qui adorent Allah uniquement par l'amour. Donc ces gens-là, ils sont trompés par le shaitan parce qu'ils disent, peu importe qu'est-ce que je fais, c'est pas grave. Allah, il va toujours me pardonner. Et donc ils vivent dans le péché et ils désobéissent à Allah et ils font tout ce que Allah a interdit et ils vivent dans l'égarement comme ça à cause de ça. Comme les chrétiens. Tu les entends tout le temps, ils disent Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, et ils vivent dans le haram, ils font les péchés, ils ne vont jamais se repentir. Ils ne vont jamais se repentir parce qu'ils n'ont aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont uniquement dans un extrême. La même chose pour ceux qui adorent dans l'espoir seulement, comme les Murji'a. Hein? C'est une autre secte qui est à l'opposé des Khawarij, et eux, ils se basent que sur l'espoir. Hein? Et ils disent que les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Et que peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ce n'est pas grave. Parce que ta foi, elle ne baisse pas. Même si tu fais des péchés, elle est toujours complète. Du moins que tu es croyant tout le temps. Et ta foi, elle diminue jamais. Donc ça, c'est l'égarement. Parce que la foi, on sait qu'elle augmente avec les bonnes œuvres et qu'elle diminue avec les péchés. Donc il faut qu'il y ait l'équilibre entre la crainte, l'espoir et l'amour. Et les ulama ont comparé ça à un oiseau. Ils ont dit que l'adoration, elle doit être accompagnée de l'amour, de l'espoir et de la crainte. Les deux ailes de l'oiseau, ici, ça correspond à l'espoir et à la crainte. Si tu as seulement une aile, si l'oiseau elle a un seul aile, elle ne va pas pouvoir voler. Donc si elle a seulement la crainte, elle ne peut pas adorer Allah comme il faut. Et si elle a seulement l'espoir, elle a, c'est comme un oiseau qui a juste un aile. Il ne peut pas voler. Il doit avoir les deux, la crainte et l'espoir. Et qu'est-ce qui le fait avancer? C'est l'amour, c'est sa tête. Hein? Et la tête de l'adoration, c'est l'amour. Hein? C'est ça ce qui fait que tu avances vers Allah et que tu fais des efforts pour lui plaire. Donc, il y a des soufis, ils disent, nous on adore seulement Allah par l'amour. On ne veut pas faire d'adoration pour avoir peur de son châtiment ou pour avoir sa récompense. On veut pas. Hein, ils appellent l'adoration de ceux qui adorent Allah par crainte et par espoir et par amour. Ils disent ça c'est l'adoration des commerçants. Hein, on fait quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Ils disent nous on n'est pas comme ça nous. On adore Allah juste par l'amour. Hein, et ça c'est de l'égarement. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les meilleurs des hommes, les plus pieux et les plus grands d'entre ses messagers et de ses prophètes, en disant à leur sujet qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec peur, avec amour et avec espoir. Hein? Donc, toi, tu viens et tu dis, non, moi je ne veux pas adorer Allah avec crainte et espoir, je veux juste l'adorer avec l'amour. Ça, c'est de l'égarement. Ça veut dire que tu penses que tu es meilleur que les prophètes. Hein? Et donc, ça, c'est de l'égarement. Le cheikh, de toute façon, on va en reparler de ça parce que il y a d'autres exemples qui parlent de ça aussi. Parce que la crainte, il est exprimé par plusieurs termes dans les formes d'adoration. Il y a al-khawf, il y a al-rahba, et il y a aussi al-khashya. Et ces trois termes-là sont traduits par la crainte. Parce que ce sont presque des synonymes. D'accord ? Al-khashya, al-khawf et al-rahba, les trois ont le sens de la crainte. Mais il y a des petites significations subtiles, des différences subtiles entre chacune d'entre ces trois termes, mais ils sont fondamentalement, ils tournent autour du sens de la peur ou de la crainte d'Allah. Et c'est très important donc d'avoir ça. Parce que c'est ce qui va t'interdire ou t'empêcher d'avancer vers le péché. Lorsque tu as la crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, le cheikh il dit que les ulama ont divisé la crainte en trois catégories par rapport à la croyance. Ahaduha khawfu shirk wa huwa an yakhafa min ghayri Allah min wathanin aw taghutin aw mayyitin aw gha'ibin min jinnin aw insin an yusibahu bima yakrah wa hadha huwa alwaqi'u alyawm من عباد القبور في بعض الأقطار يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد فهذا الخوف ينافي التوحيد. Donc la première forme de crainte, c'est la crainte shirk, la crainte du shirk, c'est-à-dire la crainte qui est shirk en elle-même. Lorsque tu as cette crainte, elle te fait tomber dans le shirk. C'est quoi cette crainte? C'est avoir peur d'autre que Allah, mais d'une façon qui est par rapport à une crainte qui n'est pas c'est une crainte qui n'est pas justifiée. Pourquoi? Parce que c'est une crainte d'autre que Allah. Par exemple, la crainte d'une idole, d'avoir peur d'une idole des mouchriquins. Parfois les mouchriquins, ils adorent une idole et ils te disent, si tu parles mal contre notre idole et tu critiques notre religion ou notre shirk, eh bien, notre idole va se venger sur toi et il va te frapper, va te faire un mal. Eh bien, ils veulent te faire peur par leurs idoles. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Ils veulent te faire peur par autre que Allah. Hein? Donc, on n'a pas le droit d'avoir peur des idoles. Celui qui a peur de l'idole, hein, et qui croit que l'idole a vraiment le pouvoir de lui faire du mal, eh bien, il a commis le shirk. Il a commis le shirk parce que c'est Allah qui a le seul pouvoir de te nuire ou de te profiter. Et tu dois être convaincu de ça. Tu dois être convaincu qu'il n'y a rien qui peut te toucher de bien ou de mal, excepté par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que c'est Allah qui contrôle tout ce qui t'arrive, soit de bien ou soit de mal. Et l'idole n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit de ces choses-là. Donc tu n'as pas le droit d'avoir peur de l'idole des mouchriquins. Tu n'as pas le droit d'avoir peur du diable ou du shaitan. Tu n'as pas le droit d'avoir peur d'un mort, hein, que quelqu'un qui adore un saint ou un mort ou un cheikh qui est enterré parmi les chouyoukhs des soufis qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils leur construisent des oratoires ou des mausolées ou des trucs, ils vont les adorer en dehors d'Allah. Si tu les critiques et tu dis que ce qu'ils font c'est du shirk, ils disent par la suite, toi t'es en train de critiquer notre cheikh, t'es en train de critiquer le wali va te frapper, le wali va te faire tomber quelque chose de mal sur toi à cause de tes critiques, à cause de tes paroles. Celui qui pense ça, il a commis le shirk. Celui qui a peur du mort, il a commis le shirk. Ou bien celui qui a peur d'un djinn, hein, peur d'un djinn ou d'un être humain, hein, qui pense qu'il peut lui faire tomber quelque chose, qu'il peut lui faire arriver quelque chose dans son cœur ou des choses comme ça. Il y a des soufis par exemple, ils ont peur d'un cheikh qui est vivant. Ils pensent que le cheikh il a le pouvoir sur son cœur. Donc il dit, ah ce cheikh là, si tu parles contre lui ou si tu penses du mal de lui, le cheikh il voit dans ton cœur qu'est-ce qui se passe, il sait qu'est-ce que tu dis. Donc si tu penses mal de lui ou si tu dis du mal de lui, il va t'enlever ta foi. Il va t'enlever ta foi, ou bien il va te faire tomber dans l'égarement, ou bien il va te faire tomber quelque chose de mal sur toi. Ça fait partie de qu'est-ce qui fait partie du shirk aussi. Ou les gens qui ont peur des djinns, la même chose. Ils ont peur des djinns au point où ils vont même commettre des actes de shirk pour se protéger des djinns. Tout ça c'est contraire au tawhid. Et si quelqu'un par exemple il a peur, il y a des gens qui pensent qu'il y a des fois ils ont peur des maisons hantées ou des choses qui sont hantées, ils disent ah il y a des esprits qui vivent dans ces maisons là ou il y a des morts qui sont restés, leurs âmes sont restées là-bas et ils peuvent faire du mal ou des choses comme ça. Ça, premièrement, c'est pas vrai. Les maisons hantées par des esprits d'êtres humains, ça n'existe pas, premièrement, parce que lorsque quelqu'un meurt, les anges viennent prendre son âme et donc il reste, son âme reste pris jusqu'à la résurrection. Il ne peut pas se promener, aller quelque part, aller chez les gens, commencer à hanter les gens. Non. Tu peux pas. Donc, on sait que l'âme, lorsque quelqu'un meurt, il est dans sa tombe. Il attend son jugement, soit qu'il est dans les délices de la tombe, ou soit qu'il est dans les châtiments de la tombe. Donc, il ne peut pas se promener à quelque part là, commencer à hanter les gens. Ceux qui hantent les maisons ou qui hantent les choses de cette façon-là et qui font peur aux êtres humains, ce sont les djinns. Ce sont les djinns qui font ça, ce n'est pas des êtres humains. Et parfois, ils peuvent essayer de se faire passer pour des êtres humains qui ont vécu dans cette maison-là, parce que les djinns, on sait que les djinns vivent plus longtemps que des êtres humains. Hein, et ils peuvent parfois faire croire aux habitants de cette maison qu'ils sont quelqu'un qui a habité là-bas et faire peur aux gens pour les faire tomber dans le shirk. Hein, pour les faire tomber dans le shirk. Donc, le djinn, le but de ce shaitan, c'est de le faire tomber les êtres humains dans le shirk. Donc, si eux, par exemple, ils vont ramener un prêtre, dans cette maison pour, soi-disant, chasser les exorciseurs, eh bien, le prêtre, il vient, il va ramener sa croix ou bien de l'eau bénite, hein, des choses comme ça. L'eau bénite, c'est quoi? C'est l'eau, c'est de l'eau normale du robinet là, et ils ont juste fait le signe de croix par-dessus là, une prière comme ça, l'eau devient bénite, comme c'est ça qu'ils disent. Hein, tu te rappelles l'histoire que j'avais racontée à ce sujet une fois, quand j'étais petit avec ma mère et ma grand-mère, on était partis à l'oratoire Saint-Joseph. Ça c'était avant que je sois musulman. Et il y a un endroit en haut, à côté de l'entrée de l'oratoire, il y a un endroit où tu peux aller pour prendre des petites bouteilles d'eau bénite. Il y a un gros bassin là, et tu prends une petite bouteille et tu vides un peu d'eau dedans, puis tu peux mettre un bouchon et tout, et puis ça veut dire que tu as de l'eau bénite avec toi. Donc moi je suis arrivé un jour et j'ai pris la bouteille. Et j'ai pris la bouteille pour remplir avec de l'eau. Et la femme qui était assise là-bas, elle m'a dit, non, mets pas l'eau tout de suite parce qu'elle n'est pas encore bénite. Elle n'a pas encore été bénite, cette eau-là. Alors j'ai dit, ah oui, comment ça? Elle dit, mais parce qu'il faut que le prêtre vienne pour la bénir. Donc, le prêtre est arrivé, j'ai dit, j'ai pris de l'eau, mais elle n'a pas été bénite. Il a dit, ah non, elle n'est pas été bénite, donne-moi ta, la bouteille. Il a pris la bouteille, il a fait un croix avec ses doigts, et il a dit, ça y est. Alors là, j'ai compris, j'ai dit, c'est ça l'eau bénite. Ça dit, il fait ça comme ça avec son doigt, ça y est, ça, l'eau devient bénite. Là, j'ai compris tout de suite que c'était pas sérieux, là. Hein? Moi, je pensais que l'eau bénite, c'était quelque chose qui avait vraiment... C'est comme si je pensais pas que c'était un truc aussi banal que ça, en tout cas. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait comprendre que c'était n'importe quoi, en fait. Mais j'étais jeune à l'époque, donc j'étais un enfant encore. Mais quand même, ça m'a fait comprendre. C'est la même chose aussi pour les cierges, là. Quand tu vas dans les églises, il y a toujours des lampions. Hein? Et les gens vont là-bas pour allumer les lampions. C'est comme des chandelles. Les gens vont là-bas et il faut mettre de l'argent dans la boîte. Chaque fois que tu allumes un lampion, tu dois mettre de l'argent. Il y a les petits lampions, ça coûte 25 sous, 50 sous. Et il y a les gros lampions, c'est comme des fois même 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient quand on était petits? C'est qu'ils disent, quand tu vas à l'église, tu allumes un lampion, tu fais une prière. Et pendant que... chaque fois que ton... tout le temps que ton lampion va être allumé, ta prière, elle continue. Toute seule. Comme si, c'est comme si ta prière, elle reste dans le lampion. Et puis pendant que le lampion brûle, eh bien, ta prière continue à se faire toute seule. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça, en fait. Si tu cherches des preuves de ça dans la Bible, là, tu ne vas rien trouver. Mais c'est pour dire que c'est des gens qui inventent toujours des choses. Mais moi, j'étais un enfant, j'étais petit. Donc, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Alors, je suis allé et j'ai pris un bâton et j'ai allumé comme une dizaine de lampions. Hein? Mais moi, je ne savais pas que ça coûtait de l'argent. J'étais petit, donc j'ai allumé plein de lampions. Il y a un homme, je ne sais pas si c'était le prêtre ou quoi, il est venu en courant derrière ma mère et ma grand-mère. Il a dit, votre garçon, là, il a allumé une dizaine de lampions, là. Il faut mettre l'argent. Venez mettre l'argent dans la boîte. Il dit, subhanallah. En tout cas, c'est des choses qui me sont restées. Hein, ça m'a marqué, ces choses-là. C'est des choses qui te font voir que c'est des religions basées sur rien. Hein? C'est des pratiques, des croyances. Il y en a qui sont basées sur des superstitions, des choses de shirk, qui n'ont aucune preuve sur ces choses-là. Hein? Et la bénédiction, c'est pas un homme comme un prêtre là, qui peut la donner. C'est comme lorsqu'ils ont les trucs de confession là. Tu rentres dans la boîte et puis le prêtre il ouvre une petite porte et là toi tu lui racontes tes péchés et puis après lui il te dit ah ok d'accord bon t'es pardonné et puis tu sors là-bas et puis ouais, ben, moi je suis allé, surtout quand on était petit, parce que quand tu fais ta première communion et ta confirmation, il te demande d'aller dans le confessionnat pour te confesser, te dire tes péchés. Et je suis allé peut-être quelques fois, deux, trois fois, et à chaque fois je savais pas quoi dire. Donc des fois j'inventais des trucs. Mais c'est pour dire que, on était petits à cette époque-là, on était très jeunes, mais c'est pour dire que, subhanallah, pourquoi tu as besoin de raconter tes péchés à un être humain? Lui-même, il fait des péchés. Hein? Et lui-même, il désobéit à Allah. Donc comment il va pouvoir pardonner les péchés des autres? Il n'y a personne qui peut pardonner excepté Allah. Donc, tout ça, c'est des exemples. Il y en a qui ont peur de la croix, par exemple. La croix, elle n'a aucun pouvoir. Et justement, dans les exorcismes, là, c'est ça qui se passe. C'est que le shaitan, le djinn, qui est en train de posséder la personne, ou bien qui est en train de posséder l'endroit, eh bien, elle veut que les gens soient dans le shirk, hein, et tombent dans le shirk. Donc, le prêtre, il vient avec sa croix, là, et le djinn, il sort. Il ne sort pas parce qu'il a peur de la croix ou que la croix elle est vraie. Il sort parce qu'il est satisfait, parce qu'il a atteint son objectif. C'est-à-dire de faire tomber les gens dans le shirk, et maintenant les gens vont croire que cette croix elle a un pouvoir, donc il les a égarés. Il a réussi à les égarer maintenant. Hein? Donc, c'est ça le but. Le shaitan, il va toujours essayer d'égarer les gens par degré. Son plus haut objectif, c'est de les faire commettre le shirk. S'il réussit à les faire commettre le shirk, il est content, il est satisfait parce qu'il sait que ça, c'est la chose qui les fait entrer en enfer éternel et que c'est garanti que s'ils meurent sur le shirk, ils ne vont pas avoir aucun espoir de rentrer au paradis, jamais. Donc, il les fait tomber dans le shirk, il est content. Après, s'il n'est pas capable de les faire tomber dans le shirk parce que c'est des gens qui sont sur le tawhid et qui connaissent le tawhid, il va essayer de les faire tomber dans des formes de shirk mineur ou bien dans des formes de bid'ah. Hein? Parce que c'est ça qui est plus grave après le shirk, c'est les formes de shirk mineurs ou les bid'ah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. S'il n'est pas capable de les faire tomber dans des bid'ah, il va les faire tomber dans des kaba'ir, dans des péchés, des grands péchés. S'il n'est pas capable de les faire tomber dans des kaba'ir, il essaie de les faire tomber dans des sara'ir, des petits péchés. Et ainsi de suite. Donc, le shaitan, il va comme ça, graduellement, du plus grand au plus petit. Donc, si tu vois que ces gens-là, eux, comme les chrétiens ou autres, ils font du shirk pour essayer de faire sortir une personne qui est possédée, ils essaient de faire sortir le shaitan de cette personne en utilisant des croix ou de l'eau bénite chez les chrétiens ou des trucs comme ça. Tout ça, c'est parce que le shaitan, il veut faire tomber ces gens-là encore plus dans l'égarement, encore plus dans le shirk. Hein? Et il y en a parmi les musulmans, parfois, s'ils sont, soit qu'ils ont un problème avec un djinn ou avec du sihr ou des choses comme ça, ils vont voir un sorcier pour se faire guérir du sihr. Hein? Et ça, c'est clair que c'est haram, puisque le sihr, c'est kufr en soi. Donc, si tu vas voir un sihr pour te faire guérir du sihr, mais t'as commis le shirk, t'as commis le kufr. Donc, t'es rentré dans la mécréance. Donc, t'as pas le droit d'aller voir un sorcier pour sortir une sorcellerie ou une magie ou un sihr. Mais ça, c'est-à-dire, si c'est une maison hantée dans le sens qu'il y a des djinns dans cette maison et que ces djinns-là se manifestent et qu'ils font du mal ou ils veulent faire du tort aux gens qui habitent là-bas, oui, c'est possible. C'est possible. Ça, c'est possible, ouais, que les djinns. Mais c'est pas comme les gens s'imaginent que ça, c'est des esprits, des morts qui reviennent à la vie ou qui reviennent dans la maison pour troubler les gens qui habitent là-bas. C'est pas des âmes d'êtres humains, c'est des djinns qui font ça. Tu comprends? C'est pas des esprits des morts, là. Donc ça, c'est la première forme de khawf. Khawf au shirk. Al-Thani, alaykoum salam wa rahmatullah, an yatruka l'insan ma yajibu alayhi khawfan min ba'd al-nas. Fahada muharram, wa huwa shirkun asghar, yajibu al-hadhar minhu. C'est-à-dire que la deuxième forme de khawf, la deuxième degré de la crainte, c'est lorsque quelqu'un a peur de certaines personnes, hein, et que à cause de ça, il va abandonner ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire dans la religion, parce qu'il a peur des hommes. Donc ça rentre dans qu'est-ce qui est haram. Ça rentre dans qu'est-ce qui est haram, et le cheikh il dit que c'est une forme même de shirk qui est mineure. Hein, que si tu le fais, c'est une forme de shirk mineur. Comme par exemple, t'es dans un emploi, t'as ton emploi, tu travailles, et ton patron, par exemple, il est musulman ou bien il n'est pas musulman, mais lui, il veut pas que tu fasses la salat. Il veut pas que tu t'arrêtes pour prier. Puis il te dit non, tu pries pas. Puis toi, tu as peur de ton patron, donc tu abandonnes ce que Allah t'a ordonné par crainte de ton patron. Ça rentre dans qu'est-ce qui est cette catégorie-là, qu'est-ce qui est haram. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir peur d'un être humain au point où tu vas avoir plus peur de lui que du châtiment d'Allah. Hein? Oui, dans le temps, bien entendu. Ouais, non, mais s'il te laisse un temps pour prier, il n'y a pas de problème. Mais s'il te dit tu ne dois pas prier du tout, et que toi tu dis oui, d'accord, je ne veux pas prier parce que tu as peur de lui, ce n'est pas normal. Hein? Ou des choses comme ça, Yannick. Par exemple, je sais pas moi, il te dit, t'as pas le droit de mettre ton hijab. Il dit à la femme, t'as pas le droit de mettre le hijab. Et elle a peur de quelqu'un comme ça qui lui dit ça. parce qu'elle elle a peur de perdre quelque chose dans la dunya. Donc elle va abandonner ce que Allah a ordonné pour éviter yani, le mal de, que la personne yani, va lui faire ou des choses comme ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Les ulama de tafsir, ils ont expliqué ce verset-là en disant que c'est la signification, c'était الشيطان يخوف المؤمن بأوليائه يعني بجنده. C'est comme si le shaitan il a des alliés parmi les êtres humains et il les envoie sur les croyants pour leur faire peur de lui, hein, pour leur faire peur d'adorer Allah. Si tu adores Allah, on va te punir. Si tu adores Allah, on va te couper. Hein, on va plus te donner de travail. On va plus te donner d'argent. Si tu adores Allah, on va faire ci, on va faire ça. Et l'autre, s'il a pas la foi forte, et s'il a pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va avoir peur des êtres humains plus que d'Allah. Hein? Et donc ça c'est un exemple. Puis aussi un nom al-thalith, al-khawf al-tabi'i. Al-khawf al-tabi'i, c'est يعني, le cheikh dit وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا يذم صاحب لا يذم صاحبه لا يذم صاحبه. Ça c'est la crainte naturelle, la peur naturelle. Et c'est comme si tu as peur de quelqu'un, un ennemi qui veut te tuer, quelqu'un qui veut te faire du mal, ou un animal sauvage, une bête sauvage, un chien, ou un loup, hein, ou un animal qui veut te blesser, ou bien n'importe quoi, il y en a d'autres choses qui sont naturelles. Ça, c'est pas quelque chose qui vient en contradiction avec le tawhid, c'est pas quelque chose qui vient en contradiction avec l'iman. Pourquoi? Parce que c'est naturel. C'est quelque chose qui est naturel. Donc, le fait d'avoir peur d'un chien ou même de quelque chose de petit, yani, des fois, t'as peur d'un abeille. L'abeille, elle vole, hein, puis elle tourne autour de toi, tu dis, ah, si elle me pique, là, ça va faire mal. Ça, c'est de la crainte naturelle, ça rentre pas dans le shirk, ça rentre pas dans quelque chose qui est interdit. Donc, c'est pas la même chose qu'est-ce qu'on a mentionné au premier exemple, comme quelqu'un qui a peur d'une idole. Hein, quelqu'un qui a peur d'un sorcier ou d'un djinn ou des choses comme ça, ça c'est khawf al-shirk, c'est pas la même chose. Donc il y a des degrés de crainte et chaque degré il a son verdict, son jugement. Donc ça c'est ce qu'on on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah. Puis prochain cours on expliquera d'autres exemples. Le cheikh il va parler ensuite de ar-raja et at-tawakkul et Ar-Rahba et d'autres formes d'adoration aussi par la suite. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.